Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. C'était le championnat du monde de patinage de vitesse sur courte piste en fin de semaine et l'équipe composée de Marie-Anne Saint-Gelais, Cassandra Bradette et Kim Boutens, Cavalerie Maltais ont terminé en troisième position lors du 3000 mètres relais lors des championnats du monde de patinage de vitesse sur courte piste qui se déroulait à Montréal au cours du week-end. Donc, les quatre filles, dont trois du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ont réussi un chrono de 4 minutes 9 secondes et 198 centièmes, ce qui leur a donné la troisième position. C'était en fin de semaine également la dernière compétition en carrière pour Marie-Anne Saint-Gelais. On devrait lui parler au cours de la prochaine semaine. Hockey, les Huskies de Rouyn-Noranda de Gilles Bouchard étaient au centre Georges Vézina contre les Saguenay de Chicoutimi. Et ça a été deux victoires pour la troupe de Gilles Bouchard. Les Huskies qui ont gagné 5-1 sur les Saguenayens. Et dans le deuxième match, les Saguenayens ont perdu 5-4 contre les Huskies. Kelly Clément a marqué 3 buts et a ajouté une passe dans la rencontre. La série entre les Marquis de Jonquière et le Coule de Saint-Georges-de-Beauce est égale 2-2 dans cette série-là. Également, du côté de la Ligue du Lac au Fleuve, le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini mène 2-0 dans la série qui les oppose à la Haute-Côte-Nord. Hier, le multiconcessionnaire a emporté 8-2 contre cette formation. Olivier Duchesne a dirigé l'attaque des gagnants avec une production de 2 buts et 2 passes. Il y a Jean-Philippe Lessage qui a marqué 2 buts et a amassé une passe, de même que Samuel Renault qui a marqué 1 but et 2 passes. Samedi, le multiconcessionnaire a remporté une victoire de 8-2 contre la Haute-Côte-Nord. La série va se transporter en fin de semaine à Forestville. Ligue junior régionale, les Éperviers de Normandin et les Saguenay de Chicoutimi, la série est menée par les Éperviers 3-1. Hier, les Éperviers ont gagné 5-4. Vendredi, les Saguenay de Chicoutimi avaient gagné 3-1 contre les Éperviers. Prochain match de la série aura lieu ce soir. Maintenant, le Marcos Pop de Saint-Félicien a gagné le premier match dans la série qui les oppose aux Castors de Dolbeau. Le Marcos Pop l'a emporté 4-2 contre les Potagers de Robin Bouliane. Vendredi soir, les Castors avaient éliminé les Marquis en les défaisant 5-3. Et les ambassadeurs de Chibougamau dans la Ligue Midget Régionale ont perdu le premier match de la série 4-2 contre les Orioles de Jonquière. Le sport local et régional, adamradiosport.com, on s'en occupe.